Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La grande galerie de l'évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle fête en ce moment ses 20 ans et Franck Ferrand a choisi pour marquer l'événement de nous parler d'un des fondateurs de l'histoire naturelle en France, Georges-Louis de Buffon. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Voici une émission qui devrait plaire à Claire de New York ainsi qu'à Amandine, je ne sais plus d'où Amandine, tiens on va me dire d'où elle nous écrivait. De Chilly-Mazarin, voilà. Et elles souhaitaient toutes deux qu'on parle davantage d'animaux dans cette émission. Et bien voilà, elles sont exaucées. On célèbre non seulement les 20 ans de la Grande Galerie de l'Évolution, mais aussi les 220 ans de la ménagerie du Jardin des Plantes. La directrice de l'une, le directeur de l'autre sont avec nous dans ce studio. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Alain. Il souhaite connaître l'origine du mot aujourd'hui. Pour le moment, essayons de faire mieux connaissance avec un passionnant personnage, ami du chat et de la pintade, bien entendu, mais aussi du pélican, du rhinocéros et même de l'ornithorynque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1772, le roi Louis XV, il ne le sait pas encore, mais il est vraiment à la fin de son règne, ça va s'achever en mai 1774, Louis XV donc commande une statue de Buffon au sculpteur Pajou et il la fait placer dans le jardin du roi dont nous allons parler dans un instant. Réaction de Buffon dans une lettre à un ami, c'est toujours un peu étrange sans doute de voir ériger une statue à son effigie. « Je vous remercie, écrit Buffon, de la part que vous avez la bonté de prendre à ma statue, que je n'ai en effet ni mendié ni sollicité, et qu'on m'aurait fait plus de plaisir de ne placer ici qu'après mon décès. J'ai toujours pensé qu'un homme sage doit plus craindre l'envie que faire cas de la gloire. » En voilà une jolie phrase. « Un homme sage doit craindre l'envie plus qu'il ne fait cas de la gloire. » Et tout cela s'est fait sans qu'on m'ait consulté. Oh, la jolie fausse modestie. Quand on connaît la personnalité de Buffon qui n'était pas spécialement effacée. Vous savez, il avait toujours, c'est Léon Deutsch qui nous dit ça, un costume de cour dans les tons assez visibles, veste du soir mordorée, habit de velours rouge, poignet brodé d'or, orné des fameuses manchettes de dentelle. Évidemment, on est dans cette espèce d'apparence luxuriante de ce milieu du XVIIIe siècle. « Il était beau !» ajoute le biographe. « Il se tenait droit et portait haut la tête. Sous les cheveux poudrés et frisés, un front large et dur, ses yeux attendris ou railleurs se trouvaient surmontés d'une noire broussaille, sourcils épais et intraitables. » Et c'est vrai que si l'on devait de la physionomie de Buffon ne conserver qu'un trait, c'est évidemment ce sont ses sourcils très épais. Mais une fossette indiquait l'homme aux bonnes manières. Un nez aux ailes vibrantes annonçait le grand seigneur habitué à profiter de l'instant propice. Des joues pleines assuraient que l'on ne manquait de rien à Montbard, car si Buffon vient passer de longs séjours à Paris et pour cause, ses responsabilités l'y engagent, il passe l'essentiel le plus clair de son temps chez lui, là-bas, dans le Morvan, à Montbard. D'ailleurs, il faut aller sur place, et nous en parlerons tout à l'heure de ce site tout à fait extraordinaire avec les célèbres forges de Buffon, bien entendu. Voilà un homme qui incarne, me semble-t-il, à la quintessence ce que l'on peut attendre de l'homme des Lumières. C'est d'abord par sa longévité, c'est l'homme de l'Ancien Régime. Il ne faut pas oublier qu'il est né à la fin du règne de Louis XIV, mais qu'il a connu, bien sûr, tout le règne de Louis XV, qui est déjà très long, et puis tout le règne de Louis XVI, puisqu'il ne s'éteint qu'à la toute veille de la Révolution, juste avant la réunion des États généraux, le 16 avril 1788. Mais aussi et surtout, par sa façon d'être, de penser, de vivre, par son goût pour la pensée et l'échange intellectuel, et d'une façon peut-être plus magnifique encore, par ce don qu'il avait d'être à la fois constamment dans la recherche, dans l'étude, dans l'observation et en même temps dans la vie, et croyez-moi, il vivait pleinement, alors je pense qu'on peut dire qu'il est un de ces philosophes du règne de Louis XV. Il était né Georges-Louis Leclerc à Montbard. Donc on est dans l'extrême, dans les confins de la Bourgogne, disons, le 7 septembre 1707. Et il est né, disons-le, dans une certaine opulence. Son père était président du grenier à sel de Montbard. On disait président haut, d'ailleurs, à l'époque. C'est-à-dire que c'était un haut fonctionnaire. Hein. Il est ensuite député au Parlement de Dijon. Enfin, vous voyez, on est dans ces espèces de grandes familles, la magistrature, tout va très bien. Lui-même est l'aîné de 5 enfants. Il va tôt se révéler non seulement bon élève, mais particulièrement doué pour les mathématiques. Et vous allez voir que c'est d'ailleurs par les mathématiques en général et plus spécialement par la statistique qu'il va se faire connaître. Il a étudié chez les jésuites de Dijon. Il commence, ça c'est une question de tradition familiale, par une licence en droit. Il s'inscrit ensuite à la faculté de médecine. C'est assez rare aujourd'hui ce genre de virage à 180 degrés. À l'époque c'était beaucoup plus fréquent. Il va faire la faculté de médecine d'Angers donc, et c'est là qu'il découvre presque accessoirement la botanique et la zoologie. Le voilà de retour à Dijon, où il fait d'ailleurs la connaissance de 2 Anglais, le duc de Kingston et son propre précepteur, Hickman, qui est un naturaliste, qui lui-même, en tant que naturaliste, chez les Anglais qui ont une légère avance sur le domaine, dans ce domaine, se trouve être membre de la Royal Society de Londres. 2 ans plus tard, donc on est en 1730, nos 3 amis vont faire ce qu'on appelait à l'époque le Grand Tour. Vous savez, c'est cette espèce de grand voyage initiatique qu'on faisait à travers l'Europe pour accumuler le plus de savoir possible, mais aussi d'expérience. C'était conçu comme ça, le Grand Tour. Et ce qui est amusant, c'est que d'habitude, on visite des collections, on se consacre essentiellement à la culture. Eh bien, Buffon, lui, enfin, je l'appelle déjà Buffon avec un peu d'avance, se consacre, lui, à la nature d'abord. Il va tôt partager son temps entre Paris et Montbard. À Paris, il fréquente quand même les milieux tout à fait en vue. Hein. On le voit chez Madame du Deffand, chez Madame Geoffrin. On le voit, bien entendu, en compagnie de Voltaire, dont il va devenir un ami. Il est élu à l'Académie des sciences très très tôt. On est en 1734, donc il a 27 ans, vous imaginez. Et pourquoi entre-t-il à l'Académie, en dehors de ses relations, etc. Il y entre parce qu'il a justement développé le calcul des probabilités. Et c'est ainsi qu'il s'est, je vous le disais, fait connaître. Bon vivant sans doute, Buffon jusqu'à un certain point, conservateur jusqu'au bout des ongles, très solitaire aussi dans sa façon de vivre. Il va recevoir une rente très importante à la mort de sa mère en 32 et c'est là qu'il achète cette terre de Buffon qui va lui donner, sinon son titre, du moins son nom. « Tout ce qui ne sert pas nuit ». Disait-il. Je trouve qu'il va en faire sa devise. Il y a un certain utilitarisme, évidemment, dans cette conception. Il faut imaginer un Buffon qui, dans sa jeunesse, est encore très mondain, ça changera. Va beaucoup au théâtre, à l'opéra, etc. Grand amateur de femmes, des filles rieuses et faciles lui enseignèrent l'art d'aimer, nous dit Deutsch. Il accepta volontiers les conseils de l'une pour s'en aller dès le lendemain se perfectionner chez la voisine, mais il se garda de confondre l'amour et les femmes. Vers 45 ans, mais c'est tard, vous voyez, il trouvera l'amour, le grand amour, chez une jeune femme d'ailleurs qui a, oh oui, elle a presque 25 ans de moins que lui, vous imaginez. Elle est pensionnaire au couvent des Ursulines de Montbard et il se trouve que la sœur de Buffon est supérieure chez ces Ursulines, de là à dire que c'est elle qui l'a sélectionnée, pas tout à fait jusque-là. C'est une très jolie jeune femme. Pure et spirituelle, nous dit son propre mari, de bonne famille mais sans dot. Ah oui, donc ça peut peut-être justifier la différence d'âge, que voulez-vous. La différence de fortune à cette époque explique assez souvent la différence d'âge. J'ai bien dit à cette époque. Le 23 septembre 1752, il épouse donc Marie-Françoise de Saint-Belin-Malin. Ils vont avoir un enfant, Marie-Henriette, en mai 1758, mais enfant qui meurt à l'âge de 4 mois. Et Buffon va écrire « J'ai perdu un enfant qui commençait à se faire entendre, c'est-à-dire aimer. Sa mère a aussi couru le plus grand danger. Elle n'est encore que convalescente. Ah, quel malheur !» Thank you. extrait de son concerto pour clarinette. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la vie de Georges-Louis de Buffon. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Georges-Louis de Buffon. Alors Buffon, vous l'avez compris, a de grandes relations, notamment, il s'est accoquiné, le terme n'est pas adapté, mais il est devenu assez proche du ministre de la Marine, le comte de Maurepas, qui lui aussi aura une incroyable longévité et qui lui aussi connaîtra le crépuscule de l'Ancien Régime. Et Maurepas va essayer de pousser sa carrière, c'est comme ça que ça se passe. Buffon est très souvent à Versailles à cette époque-là, il s'entend très bien avec les personnes bien placées d'une certaine manière. Et il va se lancer, il est encore jeune, il a 26 ans, il se lance dans une étude sur la qualité du bois, sur la sylviculture, notamment sur l'entretien des navires, sur la construction navale, etc. Il ne faut pas oublier que lui-même est un grand propriétaire forestier et qu'il dispose d'énormément de matière pour son étude. Il a pu étudier alors là toutes les essences possibles et imaginables. Et pendant 6 ans, on va le voir partager son temps entre l'étude de la physique, les mathématiques, la botanique qui l'intéresse surtout, et puis cette sylviculture qui à cette époque-là est la grande préoccupation des hauts responsables du royaume. Et donc c'est la manière qu'a trouvé Maurepas pour faire monter d'une certaine manière son ami Buffon qui, et ça marche, en 1739, est nommé intendant du jardin du roi. Il a 32 ans et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est nommé en 1739, il va donc l'être jusqu'en 1788, un demi-siècle en poste, vous imaginez ça? Vous savez, ça j'ai souvent constaté, j'ai eu l'occasion de le dire déjà à ce micro, mais c'est intéressant de souligner que la durée, la longévité dans les postes de direction de ce genre-là est un des secrets de la réussite. Ces personnalités qui ont tellement marqué les différents siècles dans les fonctions qu'ils ont occupées, vous regardez souvent la durée de leur mandat et vous verrez qu'il peut parfois être très long. Bon là, c'est particulièrement long. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce jardin du roi? Il a été créé par un médecin ordinaire de Louis XIII, qui s'appelait Guy de la Brosse, dans le but essentiellement au départ de cultiver des plantes médicinales, il faut bien le dire. Non seulement destinées à soigner, mais surtout à enseigner cet art tellement important à l'époque. L'inauguration du jardin royal des plantes médicinales, c'était d'ailleurs son nom initial, date de 1640 et c'est-à-dire la toute fin du règne de Louis XIII qui va mourir en 1643 et on y attire d'emblée des gens comme Vaillant, comme Plumier qui sont de grands savants, bien entendu. Et on est à cette époque où le royaume est en train de s'étendre dans tous les axes possibles. On fait des découvertes, on découvre et on conquiert de nouvelles îles, etc. Et on rapporte des boutures, on rapporte des plantes. Et ce jardin va servir, parmi quelques autres, en quelque sorte de jardin d'acclimatation des plantes exotiques. On va même y construire bientôt des serres. Et la charge de surintendant de ce jardin est créée par le régent, il faut le savoir, qui va séparer la fonction de celle de premier médecin du roi. On libère la botanique de la médecine, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on s'intéresse plus simplement aux plantes médicinales. On s'intéresse aux plantes pour elles-mêmes, non seulement pour leurs propriétés, mais d'une manière plus générale, pour les connaître et pour les étudier. On est là en 1718, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans avant que Buffon ne prenne lui-même la tête de cette institution. Alors il va faire énormément pendant, vous imaginez, 50 ans, il avait les moyens, il avait l'influence, il avait tout ce qu'il fallait, Buffon, et puis le tempérament aussi, bien entendu. Il va doubler la surface du jardin, il va donner à cette institution un rayonnement à l'échelle au moins de l'Europe. Son style, les échanges extraordinaires qu'il entretient avec tous les botanistes d'Europe, évidemment, vont rendre le jardin du roi très attrayant et très connu un peu partout. Il y a tout un réseau de correspondants du jardin du roi et du cabinet d'histoire naturelle, fonction qu'il a créée lui-même au passage. Et alors, évidemment, les gens qui se trouvent, notamment tous les hauts fonctionnaires de la couronne qui se trouvent un peu partout sur les îles lointaines, lui envoient des animaux empaillés, des minéraux, des plantes, etc. Donc on enrichit d'emblée la collection. Ça devient un formidable lieu d'étude pour alimenter le grand œuvre de Buffon, sa célèbre Histoire naturelle, dont le premier volume paraît en 1749, vraiment au cœur, au centre, à l'articulation même du XVIIIe siècle. Voilà ce que nous dit Gilbert Joseph, qui a écrit une belle biographie de Buffon qui s'appelle « Le sacre de la nature ». Je le cite. « Le nouvel intendant réorganisa le cabinet d'histoire naturelle. Il agrandit les locaux et y rassembla les productions souvent dispersées des trois règnes de la nature dont il commença la classification. Plus ardue était la mise en valeur du jardin trop négligé. Il donna plus d'extension à l'école de botanique, dont les cours, à de rares exceptions, n'étaient plus dispensés en plein air, mais dans une salle de l'amphithéâtre, une bâtisse près de la chapelle du vieux château, destinée surtout à l'enseignement de la chimie. Il opéra une identification des plantes, en plaçant devant une étiquette indiquant le nom des genres, des espèces, des variétés, afin d'attirer et d'intéresser le public, un public très cultivé, ai-je besoin de le préciser, et il fit renouveler la terre qui était épuisée. Il classa les arbres par carré, par période de floraison. Il les choisit de taille limitée afin que les élèves de l'école de botanique puissent les étudier plus commodément et il s'attacha à présenter des sujets exotiques aptes à s'acclimater. Pressé de tous côtés par des tâches multiples, toujours à court de financement, il gela temporairement son projet d'accroître la surface du jardin, qui demeurera encore telle qu'elle était à l'origine. Pendant les 5 années qui suivirent sa prise de fonction, Buffon entretint une correspondance avec de nombreux savants de l'Europe. Il obtint l'envoi d'objets qui constituèrent les apports décisifs au développement du cabinet d'histoire naturelle. Voilà donc un homme très actif, mais attention, ne vous y trompez pas. Monsieur de Buffon va à son rythme. Je vous ai dit qu'il profitait de la vie. En tout cas, il a, vous allez le voir, je vais vous raconter un peu à quoi ressemblaient ses journées dans un instant. Il avançait de manière très progressive, très tranquille. Il se donnait le temps de classifier, vous l'avez compris, ça c'est la grande obsession du siècle. Mais surtout le temps d'observer. On pourrait dire qu'il était tout à fait fidèle à la grande injonction de Léonard de Vinci, Pollocchio. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Georges-Louis de Buffon et à sa vie d'intendant au Jardin du Roi. Oui, alors c'était une vie, encore une fois, qui était largement une vie faite de douceur provinciale, puisqu'il passe l'essentiel de son temps à Montbard. Et plus le temps passera, moins il vient au Jardin du Roi, il faut bien le dire. Dans les dernières années, on ne l'a pas vu beaucoup, monsieur de Buffon. Il voyageait quasiment plus, il faut vous dire. Alors, il a une vie très réglée, néanmoins, notamment à partir du moment où il devient veuf. Je vous avais raconté ce mariage avec Marie-Françoise, qui était tellement plus jeune que lui. Eh bien, néanmoins, après 17 ans de mariage, elle va mourir à la suite. Vraiment, c'est un accident idiot. Elle est tombée de cheval et elle est morte dans les jours qui a suivi. Ça a été évidemment un très grand chagrin pour Buffon, qui à partir de là a la vie la plus réglée qui soit. 5h du matin, quelle que soit la saison, il est debout. Il se coiffe, il fait tout son courrier. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, le courrier est une chose essentielle. On fait des mails, nous, aujourd'hui, à longueur de journée, d'ailleurs. À l'époque, on fait du courrier 2 fois par jour, souvent le matin, d'ailleurs. Mais c'est un courrier considérable. Il n'est pas rare qu'une personne de l'importance, de l'envergure ou la surface sociale, comme nous dirions-nous aujourd'hui, de Buffon, puisse rédiger jusqu'à 50 lettres par jour. Quand je dis lettres, ce sont parfois de courts billets, mais en tout cas, 50 courriers par jour. Donc on a cette activité. La maison est toujours endormie à ce moment-là. Et puis, il va faire son tour, sa grande promenade à laquelle il tient énormément. Il gravit une petite colline qui lui permet de rejoindre la tour médiévale. Oh, ça, c'est pas très loin, c'est à 500-600 mètres de la maison elle-même. Et c'est dans cette tour que se trouve son bureau, meublé de façon tout à fait simple, même assez sommaire. Et là, l'attendent ses deux secrétaires auxquels il dicte des textes. Il y a toujours un petit côté déclamatoire dans les textes qu'il écrit, et c'est d'Alembert qui lui rend visite. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, il y a quelques années, je vous avais raconté une visite de d'Alembert chez Buffon, justement, à Montbard. Et d'Alembert était frappé de voir à quel point Buffon vivait, bien que loin de la cour, dans l'espèce de culte de lui-même, en quelque sorte. Il avait le sentiment, sans doute pas si faux que ça, mais tout de même, le sentiment d'être une sorte de légende vivante, et il entretenait lui-même la légende. C'est juste qu'il ne parlait pas de lui à la troisième personne, nous dit d'Alembert. On lui apporte son déjeuner, ce qu'on appelait à l'époque le déjeuner, on dirait nous le petit déjeuner, à 9h. C'est toujours la même chose, 2 verres de vin de Bourgogne et un morceau de pain, et puis il va dîner, alors plus longuement, ce que nous appellerions nous un déjeuner, vers 13 ou 14 heures, après c'est le temps de la sieste, etc., et la promenade. Alors on se dit, ah tout de même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent lui rendre visite, hein. Il a presque toujours des visiteurs à Montbard. Ah oui, mais c'est une promenade qu'il effectue seul. Alors voilà à quoi ça ressemble. On voit Buffon qui marche tout seul en avant du groupe, et puis les autres qui le suivent à quelques, je pense, dizaines de nos maîtres actuels. En tout cas, on le laisse seul parce que c'est le moment où il est en méditation, en prise sur la nature et en réflexion. Il est en réflexion avec lui-même, si je puis dire. Il retourne à ses écrits à 17h et finalement, tout ce qu'il a emmagasiné pendant cette promenade va sortir à cette heure-là. On corrige les manuscrits, on lit la correspondance. Vous voyez que c'est pas la même chose d'écrire et de lire le courrier à 19h. Et à 21h, même chose, c'est aussi réglé que le matin, il se couche sans jamais souper. Alors on se dit, quand on voit l'âge auquel il a vécu, c'est peut-être le secret finalement, c'est de ne pas manger le soir, voyez. Enfin, c'était en tout cas le secret de Buffon. Il était très actif, là je vous donne l'exemple d'une journée tout à fait archétypale, mais il lui arrivait bien entendu d'aller à quelques encablures de là, visiter ses propres forges, voir où on en était. Il les avait créées, ces forges, en 1769. Il faut savoir que l'histoire naturelle ne se contente pas des animaux, les végétaux et surtout les minéraux y ont largement leur place. Et dans cette histoire naturelle, on parle de minerais notamment. Et ce qui a beaucoup intéressé Buffon, qui, vous l'aurez compris, était quand même assez près de ses sous par ailleurs, c'est la question du fer. Et c'est très important, les forges en question. Il a eu jusqu'à 400 employés tout de même. Et ces employés, c'est intéressant parce que il organise pour eux tout ce qu'on pourrait appeler plus tard, un siècle plus tard, au 19e, un complexe social. Vous voyez, il y a déjà cette volonté chez Buffon qui, par ailleurs, disons-le, fabrique les canons du roi. Je vous l'ai dit, il est mort juste à la veille de la Révolution, juste assez tôt pour ne pas voir Bernardin de Saint-Pierre prendre possession au nom de la République de son cher jardin du roi, juste assez tôt pour ne pas voir Daubenton nommé premier directeur de ce qu'on appellera désormais le Muséum d'Histoire Naturelle. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Naturelles sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités Claude-Anne Gauthier, directrice du département des galeries, et Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Bonjour à tous les deux. Alors deux ou trois petites rectifications. Je vous ai dit d'Alembert, mais certes d'Alembert était un des visiteurs incontestablement de Buffon, mais celui qui nous racontait la vie quotidienne de Buffon et dont je m'étais permis de lire de longs extraits il y a quelques années ici même, c'était Marie-Jean Hérault de Séchelles. Voilà, et c'est Lorena à qui rien n'échappe, vous le savez bien, qui a découvert ça, et Mathilde Salé-de-Choux qui a retrouvé son nom, Hérault de Séchelles, bien entendu. Et puis, vous me disiez à l'instant même, Michel Saint-Jalme, que Bernardin de Saint-Pierre, alors certes, était bien en poste sous la Révolution, mais c'est Louis XVI qui l'avait nommé, en fait. Oui, Louis XVI le considérait en fait comme le digne successeur de Buffon, et donc le nomme en juillet 1792 dernier intendant du Jardin du Roi. Et j'en profite pour saluer, je ne sais pas si elle nous écoute, j'aimerais saluer la biographe, on pourrait dire, la toute nouvelle et récente biographe de Bernardin de Saint-Pierre, Odile Caffin-Carcy. Alors, vous êtes, vous, à la tête de cette ménagerie qui a été plutôt, sinon créée, en tout cas étoffée par Bernardin de Saint-Pierre, évidemment. Non, pas tout à fait. En fait, on attribue à Buffon d'avoir eu l'idée un petit peu avant sa mort de créer une ménagerie, d'associer aux collections mortes du muséum une collection vivante avec une ménagerie. Voilà. Mais en fait, c'est Bernardin de Saint-Pierre qui va la mettre en œuvre, en fait. Hein. Non, il ne le mettra pas en œuvre. Il écrira un mémoire au comité de salut public, adressé au comité de salut public, demandant la création de la ménagerie. Et cela, après avoir été invité lui-même par l'intendant de la ménagerie de Versailles, transférer ces animaux de Versailles au Jardin des Plantes et de créer cette ménagerie. Oui, parce qu'on ne savait pas quoi en faire de ces animaux, il faut bien le dire. Le domaine de Versailles, à partir de la fin de 1791, alors là, je ne vais pas entrer dans mes vieilles marottes, mais le domaine tombe dans une forme de déshérence, on ne sait pas quoi faire de tous ces animaux, et donc on se dit c'est la place même de ces animaux que d'aller au Jardin du Roi, en fait. Hein. Tout à fait, mais quand Couturier demande à Bernardin de Saint-Pierre de se rendre pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, si on peut dire, il ne reste déjà plus que 6 animaux dans cette ménagerie, dont un rhinocéros qui avait été offert à Louis XV, un quagga, espèce disparue aujourd'hui, qui a été transféré, mais que 2 ans plus tard, en fait, à la ménagerie du Jardin des Plantes, et que vous pouvez aujourd'hui voir, dont on peut voir la dépouille, à la galerie des espèces disparues de la Grande Galerie, sachant que cette espèce, au début du XIXe siècle, s'est éteinte. Il y avait également un bubal, qui est un bovidé africain, également un lion qui était accompagné d'un chien et qui était arrivé à la ménagerie de Versailles quelques années plus tôt. Ils étaient inséparables. Et qui étaient inséparables et qui vivront quelques années ensuite à la ménagerie du Jardin des Plantes. Alors, Claude-Anne Gauthier, on peut dire que Buffon reste présent dans cette grande galerie de l'évolution? Mais tout à fait, la fameuse statue de Buffon faite par Pajou est visible dans la Grande Galerie d'Évolution au niveau des escaliers monumentaux, qui étaient les escaliers d'origine en fait de cette grande galerie qui s'appelait autrefois la Galerie de Zoologie. Donc la statue en pied est bien là, on peut la voir très facilement, et elle est au milieu d'un ensemble en fait d'autres statues qui sont plutôt des bustes, parce qu'en fait la statue de Buffon est une statue en pied, ce qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque. Et donc là autour de son vivant, c'est incroyable. Et de son vivant, on dit qu'elle aurait été travaillée par Pajou alors que Buffon était sur son lit de mort, en tout cas, ou qu'il était très malade, en tout cas c'est ce qu'on dit. En tout cas, ça ne se voit pas du tout sur la statue, puisqu'il est représenté de façon tout à fait magnifique, posant également sur les représentations de la terre et de la nature. Et dans le socle, d'ailleurs, on a placé une relique. Absolument, on y trouve son cervelet, qui n'est plus dans la statue actuellement, mais qui est dans les réserves du muséum. Mais on l'a constaté très récemment lorsqu'on a rénové entièrement cette statue. Il y avait toute la notice, j'imagine, pour indiquer ce qu'était cette... Et son contenant en cristal estampillé. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la ménagerie, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, ce jardin animalier, ce parc animalier, à quoi ça ressemblait initialement? La ménagerie, au départ, ne ressemblait, si on peut dire, à rien. Bernardin de Saint-Pierre en avait eu l'idée, mais à ce moment, c'était encore une période trouble, beaucoup de têtes tombaient, et c'était aussi une période où les caisses de l'État étaient vides. Donc quand il a rédigé son mémoire à la suite de sa visite de Versailles, demandant la création de cette ménagerie, on lui a répondu que c'était pas le moment. Oui. Donc la ménagerie se créera finalement un an plus tard de façon, on peut dire, opportuniste, puisqu'un arrêté de la Convention déclare qu'il est interdit de présenter des animaux vivants dans les rues de la capitale. Et à ce moment-là, on confisque donc tous ces animaux qui sont amenés au Jardin des Plantes. Et il y avait à l'époque... Ça devient une sorte de dépôt. Des panthères, des ours, des chat-tigres. Il y a une quarantaine d'animaux qui sont apportés à Geoffroy Saint-Hilaire, qui est à ce moment-là le nom qu'il fallait prononcer, mais oui, de zoologie du muséum, et qui devient par là même le premier directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est à ce moment-là provisoire. Cette ménagerie est créée au printemps 1794. C'est pour ça qu'on vient de célébrer les 220 ans, là, en voilà, fait. Elle ne sera créée qu'en fait encore un an plus tard, au printemps 94. Mais en 94, il n'y a encore rien. Et les animaux sont logés dans des serres, dans des anciennes remises de voitures. On leur construit, on ramène de Versailles les barreaux et on construit des cages provisoires pour les abriter. Et à ce moment-là, de nombreux animaux continuent à arriver. Les animaux de Versailles qui arrivent, les animaux du Rincy, de la ménagerie du duc d'Orléans qui arrivent également. Et puis, les armées de la Convention voyagent en Europe et confisquent dans d'autres ménageries des animaux. Alors, ils vont en Hollande et confisquent une flopée d'animaux dans la ménagerie du Stadhouder, dont deux éléphants. Alors, la plupart des animaux viennent tout de suite sur Paris, mais les éléphants, il faudra quand même 2 ans avant d'avoir les conditions favorables à leur transport. On demandera à un ingénieur de l'arsenal de monter en Hollande pour essayer de fabriquer un chariot qui soit assez solide pour soutenir ces éléphants. Et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas fait marcher gentiment, tout simplement, ces éléphants ? Je suppose que le chemin était trop long et que c'était un petit peu compliqué parce que ça reste quand même des animaux sauvages pour traverser les villes. Ça devait pas être tout à fait facile. Donc, ça a dû être un grand événement, leur arrivée. À Paris, oui, il faut donc 3 ans plus tard, finalement, ils viendront par bateau. Mm-hmm. Ils suivront donc 2 péniches qui seront affrétées spécialement pour ça, qui mettront 6 mois pour descendre à travers les canaux et pour arriver finalement en 1798, au printemps 1798, au port des Invalides. Et là, ils viendront à pied du port des Invalides jusqu'à la ménagerie. La ménagerie qui commence à prendre tournure, toujours pas. Parce que les premiers bâtiments de la ménagerie ne seront construits qu'en 1802, sur des plans de l'architecte du muséum qui s'appelait Molineau à l'époque et qui s'inspira de la ferme de Marie-Antoinette à Versailles pour construire ce qu'on appelle des fabriques dans des petits enclos bucoliques, donc une ménagerie bucolique pour accueillir des animaux plutôt dociles, donc on les appelait les dociles, les herbivores à l'époque, contrairement aux féroces qui étaient déjà là, puisqu'on a déjà parlé du fameux lion et de son chiens qui ont vécu les premières années de la ménagerie. Et donc, quand les éléphants arrivent de Hollande, il n'y a absolument rien pour les accueillir. Il faudra attendre, pendant les premières années, ils seront donc logés comme les autres animaux dans des logements provisoires. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Mais ce qui est remarquable par rapport à ces éléphants, c'est que 3 mois après leur arrivée, ils s'ennuyaient énormément. Et les professeurs du muséum ont décidé de faire venir l'orchestre du conservatoire pour leur donner un concert. Et là, vous pouvez lire un manuscrit qui a été écrit par Houël, qui était le directeur des bibliothèques du muséum à l'époque, et qui décrit le comportement de ces éléphants pendant le concert. Alors, il y a 13 morceaux qui ont été joués, des morceaux de musique classique et de la musique révolutionnaire, le « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Et vous trouvez donc dans ce récit décrit la réaction des éléphants face à la musique. Alors, quand on prononce le nom de Geoffroy Saint-Hilaire, ça fait évidemment tout de suite penser à Vivant de Non, à Sylvestre de Sacy, etc., à l'expédition d'Égypte de Bonaparte, bien entendu. Geoffroy Saint-Hilaire a été pendant presque 40 ans directeur de la ménagerie, mais en fait il a laissé par moments sa place, parce qu'en 1798 il part accompagner Bonaparte en Égypte et à ce moment-là il laisse sa place, et c'est en particulier Jean-Baptiste Lamarck, qui le fameux Lamarck des théories de l'évolution avant Darwin, qui va le remplacer comme directeur de la ménagerie. Mmh. Et quand Geoffroy Saint-Hilaire va entrer en 1803, il n'a pas le temps de s'occuper de la ménagerie. Donc, il nomme à sa place un gardien qui est Frédéric Cuvier, le frère du fameux Georges Cuvier, qui est le grand paléontologue qui, évidemment, l'homme de la classique, de notoriété peut être comparé à Buffon. Qui, avec un os, reconstituait un dinosaure. Tout à fait. Donc, vous avez quand même de très prestigieux devanciers, si je puis dire. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a un lien d'ores et déjà entre cette ménagerie et le muséum d'histoire naturelle? Quels sont les liens qu'ils entretiennent? Le lien, c'est que c'est la ménagerie du muséum d'histoire naturelle. Donc nous faisons partie de la même maison, de la même institution. Nous avons les mêmes missions qui sont l'éducation, la recherche, la conservation. Alors, il y a une petite différence, c'est qu'au muséum, on conserve les collections. À la ménagerie, on participe en gérant les collections vivantes à la conservation de la biodiversité. Donc, collections vivantes, j'aime bien cette expression. Eh bien, après les collections vivantes, nous en arrivons aux collections mortes, en apparence seulement. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'histoire naturelle avec vos invités, Claude-Anne Gauthier, directrice du département des galeries, et Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Alors, c'est Antoine qui, via Twitter, nous dit qu'il est étonné de ne pas encore nous entendre parler de l'acépède qui a joué un rôle essentiel en tant que naturaliste. Oui, c'est certain. On pourrait citer, dès qu'il est question du Muséum d'histoire naturelle, un certain nombre de noms essentiels. Finalement, toute cette discipline, toute cette science va se constituer entre le milieu du 18e et le milieu du 19e siècle. Et on peut dire que la plupart des grands noms de cette science à l'échelle mondiale sont français. C'est ainsi, c'est une chance d'une certaine manière, Claude-Anne Gauthier. Nous sommes à l'origine de tout ça, d'une certaine manière. Exactement, je crois que le muséum est effectivement au cœur en fait de l'histoire des sciences naturelles à travers l'Europe et bien au-delà. Et d'ailleurs, on retrouve en fait à la fois des bustes, à la fois des représentations de tous ces savants dont on peut parler, je dirais, pendant des heures. On les rencontre à la fois à travers des bustes qui sont présents dans les escaliers monumentaux de la Grande Allée de l'Évolution, mais également à travers des portraits qui sont gravés sur le fronton de cette grande galerie. On retrouve ainsi Lamarck, Daubenton, Buffon, etc. Tous alors, sont il présents. Faudrait citer, il y en a ailleurs, évidemment, Carl von Linné, bien entendu, fondamental. Bien entendu. On ne parlera pas de Darwin aujourd'hui, parce que pas mal d'auditeurs me parlent de Darwin. Mais enfin, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que, les gens du muséum. Oui. Voilà, c'est pour ça. Mais le muséum a joué un rôle absolument essentiel. Est-ce que son développement est aussi aléatoire que celui de la ménagerie du Jardin des Plantes? Ou du Jardin du Roi, comme on voudra. Je dirais qu'il a suivi et accompagné l'évolution de la connaissance et du savoir à travers tous ces scientifiques et à travers l'augmentation des collections. Oui. Parce qu'on parlait au début de cette émission des simples, dont l'usage était enseigné par les médecins de l'époque. Puis petit à petit, à travers Buffon, qui a véritablement fait exploser les collections d'histoire naturelle. Et jusqu'à nos jours, on continue à accumuler des collections dans tous les domaines de l'histoire naturelle. Donc je dirais que quelque part, les choses ont effectivement évolué. Et donc comment s'est fait cette évolution? Comment accompagner l'évolution en nombre de ces collections? Eh bien ça se traduit à travers l'architecture. Parce qu'on commence effectivement avec le cabinet d'histoire naturelle dont on parlait, qui finalement, avec tout le travail de Buffon, les donations, les aventuriers scientifiques qui nous apportaient tous ces éléments... Le versement de collections excentrées qui vont confluer d'une certaine manière au début du 19e. Hein. Tout à fait, les choses arrivent effectivement au muséum, il faut bien les ranger quelque part. Donc le cabinet augmente petit à petit de taille, mais finalement tout ça devient complètement insuffisant. Et puis... Qu'est-il décidé? Cuvier, dont on parlait tout à l'heure, décide de créer une autre galerie qui est aujourd'hui la galerie de minéralogie et de géologie. Autrefois, c'était une galerie dans laquelle on trouvait à la fois des minéraux, des ossements et autres animaux. Et puis, encore une fois, trop petit, manque d'espace. Donc, on en arrive à quoi? 1877, on se dit, il faut créer autre chose. D'autant plus que les Anglais l'ont fait juste avant nous et qu'on veut faire aussi bien, sinon mieux qu'eux, bien entendu. Bien entendu, ça va de soi. Donc, on décide de construire en 1877, la galerie de zoologie. Donc c'est Jules André qui est l'architecte qui est chargé de travailler, de construire cette galerie, qui va donc vivre très très longtemps, va être une véritable bibliothèque de la nature. 1 million de spécimens sont présentés, mammifères, oiseaux, mollusques, invertébrés, etc. Et tout ça vit, est visité, est ouvert au public, hein, comme les autres galeries, parce que c'est aussi une des particularités du muséum, c'est que tous ces bâtiments que l'on voit sur le Jardin des Plantes, eh bien, ont tout été imaginés, créés par un grand chercheur, un grand nom de la paléontologie, un grand nom de la minéralogie. Tous ces personnages ont créé des galeries qui étaient à la fois des lieux de recherche, et des lieux ouverts au public. Donc c'était une vraie particularité de ce jardin des plantes et de ces galeries. C'est resté ça toujours en fait. Oui, complètement. C'est resté aujourd'hui, si ce n'est que l'organisation a légèrement changé. Mais en attendant, ces galeries sont toujours ouvertes au public et toujours présentent un grand nombre de collections. Jules André, à la fin du 19e siècle, va donc bâtir ces gigantesques galeries qu'on connaît maintenant, qui sont très célèbres. D'ailleurs, il avait fabriqué votre vivarium, si je puis dire, à la ménagerie. Non, pas le vivarium. Ah, pardon. Le palais des reptiles. Ah, excusez-moi. En 1874. Nuance. Et ensuite, ce qu'on appelle aujourd'hui toujours la nouvelle faisanderie, qui sont des bâtiments fabuleux. Et qui sont toujours aujourd'hui à la ménagerie, la faisanderie qu'on a rénovée il y a quelques années et le palais des reptiles sur lequel nous travaillons aujourd'hui pour rédiger un programme scientifique pour une rénovation dans les 2 ans qui viennent. Je pense qu'une partie importante de nos auditeurs sont allés un jour ou l'autre visiter cette grande galerie de l'évolution qui a été inaugurée quand ? Il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait quand même déjà une quinzaine d'années. Juste 20 ans. 20 ans, parce qu'on a fêté cette année, c'est 20 ans. Et oui, voilà, bon, ça ne rajeunit personne. Et c'est tout à fait magnifique. Et ce qu'il faut dire pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, et on ne peut que les encourager à venir, bien entendu, visiter cet endroit extraordinaire, c'est qu'on y voit beaucoup d'animaux empaillés, bien entendu. La taxidermie, c'est le temple mondial de la taxidermie d'une certaine manière. Je pense que le muséum en soi est en quelque sorte le temple de la taxidermie, puisqu'en fait c'est une science, une discipline qu'on y apprend toujours et qu'on transmet à de jeunes générations. Donc aujourd'hui le muséum a toujours cette expertise très particulière dans le champ de la taxidermie. Les animaux empaillés, c'était avant. Oui. Aujourd'hui c'est autrement. On ne dit plus empaillé. Non, taxidermie, oui, bon, taxidermie dénaturalisée. Les animaux font le mur, c'est le nom de cette grande manifestation. Si je puis dire, vos animaux, vous les prêtez un peu partout, à toutes sortes de musées ? Alors c'est un des événements associés aux 20 ans, car les 20 ans en tant que tels, c'est la rénovation intégrale du spectacle son et lumière de cette grande galerie, qui au fil du temps, ça avait déjà été imaginé autrefois par Paul Chemetov, Borja Widobro, qui étaient les architectes de cette galerie de 1994, auquel avait été associé un célèbre metteur en scène René Alliot et André Diot pour le son. Ils avaient vraiment fait un travail exceptionnel pour faire en sorte qu'il y ait une vraie vie de ces animaux naturalisés. Donc ce spectacle, c'était un petit peu abîmé avec le temps et donc on a décidé l'année passée de le restaurer intégralement en changeant l'ensemble des dispositifs de son et de lumière de façon à ce que cette caravane, puisque c'est quand même le cœur de cette grande galerie, cette caravane africaine Noé, là, qui est absolument fabuleuse et sur laquelle on trouve 62 individus naturalisés qui ont été complètement restaurés, si bien restaurés que vous ne pouvez pas faire la différence entre des animaux qui dateraient du 18e ou 19e siècle et des animaux qui par exemple viendraient du parc zoologique de Paris. Donc en fait tout ça donne une impression de neuf et de vivant qu'on a réussi à remettre en place cette année. Et donc, vous en prêtez un certain nombre aux différents musées. Et donc, quelques-uns de ces spécimens, effectivement, sont sortis des murs de nos réserves. Au Louvre, à Cluny, au musée de la Croix, à Orsay, etc., au Petit Palais. Le cerf du passage Richelieu du Louvre est absolument magnifique. Il faut citer absolument, à l'occasion de ce 20e anniversaire de la Grande Galerie de l'Évolution, le très beau livre qui a été publié, un livre de Jacques Tinet et Jacques Vecmans, qui s'appelle « Mort ou vif, chronique d'une taxidermie contemporaine ». C'est au-delà de l'intérêt de l'ouvrage, c'est un très beau livre en plus, un très bel objet, il faut dire. C'est un monument en quelque sorte. C'est un très très bel objet, c'est une collaboration entre un photographe et un des taxidermistes les plus connus du muséum. Aujourd'hui retraité, mais qui continue à régulièrement venir travailler sur nos spécimens. Et alors de votre côté, comment célébrez-vous les 220 ans de cette ménagerie ? Alors nous célébrons les 220 ans de la ménagerie en accueillant toujours le public dans cette ménagerie qui reste ouverte au public aujourd'hui, dans laquelle on peut retrouver certains bâtiments historiques, mais dans laquelle les collections ont énormément évolué. Aujourd'hui, plus d'éléphants, plus de girafes, plus de grands animaux qui n'étaient pas adaptés à cette petite structure. En revanche, ils sont partis à Vincennes, si je puis dire ? Certains d'entre eux, oui. Ou dans d'autres zoos en Europe, mais aujourd'hui on présente des animaux beaucoup plus extraordinaires, des animaux rares, des animaux menacés d'extinction, des pandas ou des animaux qu'on peut voir dans peu d'autres zoos en Europe. Donc c'est ce qui fait l'originalité de la ménagerie. Et dans le cadre des 220 ans, on présente une exposition au cabinet d'histoire qui s'appelle « Les animaux célèbres de la ménagerie du Jardin des Plantes ». Qui sont-ils ? Alors, pourquoi célèbre? Alors, les animaux célèbres, il y a eu le fameux Joko. Alors, si on veut revenir à Buffon, mais c'est encore... C'est un chimpanzé, Joko. Hein. C'est un chimpanzé que Buffon avait décrit comme un orang-outan, puisqu'on ne connaissait pas beaucoup les grands singes à l'époque, c'était en 1740. Et Buffon avait été... Donc, premier animal vivant dans exotique, si on peut dire, arrivé au Jardin des Plantes, bien avant la ménagerie, puisque c'était en 1740. Et Buffon avait été très troublé par cet animal dont il décrit qu'il marche sur ses deux pattes comme l'humain et dont il décrit des comportements très très proches de ceux de l'homme. Est-ce qu'on parle aussi, en un mot, parce que je n'ai plus de temps du tout, est-ce qu'on parle aussi de la girafe de Charles X? Non. Bien sûr, oui. La fameuse Zarafa, oui. 41 jours pour faire Marseille-Paris à pied avec Geoffroy Saint-Hilaire justement à la tête du cortège. On parle de Kiki, la fameuse tortue des Seychelles, 250 kilos, morte à 149 ans en 2009, qui est aujourd'hui exposé à la Galerie de l'Évolution, jusqu'à Nénette, la fameuse orang-outan qui a fait l'objet d'un film de Nicolas Philibert et qui est toujours vivante et qui attend le public à la ménagerie. Eh bien, moi qui voulais devenir vétérinaire, je sens que je vais faire un tour dans vos deux très nobles institutions dans les jours qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler, en gros, des 220 ans du muséum. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Alain et il souhaite connaître l'origine du mot aujourd'hui. Alors, hui, ça vient du latin odier, hui dans l'ancien français, hein, ça s'écrivait H-U-Y, c'était tout simplement, ça voulait dire le jour où l'on est. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du jour où l'on est. Déjà, en soi, c'est un peu un pléonasme, hein, l'expression naît à peu près aux alentours de l'an 1000-1050 à peu près. Et puis alors, on est venu ajouter à cette expression une troisième au jour d'aujourd'hui. Alors ça veut dire trois fois au jour, du jour, du jour. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors l'expression n'est pas très correcte, mais elle n'est pas considérée comme incorrecte. George Sand, par exemple, entre autres nombreux grands auteurs, l'emploie assez régulièrement. Sachez donc, écrit-elle dans Le Meunier d'Angibaud, on est en 1847, sachez donc au jour d'aujourd'hui, on ne remue de fond que dans l'industrie des chemins de fer et les grosses affaires, dit-elle. Lamartine aussi, dans ses méditations, en parlant de Dieu, disait « L'univers est à lui et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. » Alors, on s'est quand même renseigné auprès de l'Académie française pour savoir si on pouvait dire ça. Alors, la tournure n'est pas incorrecte, mais nous dit l'Académie française dans sa grande sagesse, l'essentiel est de n'en pas abuser.